Une chanson qui accomplira ce carnage. Une chanson en France ne fait pas de remue-ménage. Si l'on danse en conscience sur un rythme qui déménage, si l'on chante unité, c'est que l'on veut garder le contrôle. Car nous sommes des millions à en avoir à le bol. Si nous sommes des millions à jouer le même rôle, le rêve que l'on a d'être acteur de sa vie ne prendra plus son envol.